Les uns désiraient l'Empire, d'autres les Orléans, d'autres le comte de Chambord. Mais tous s'accordaient sur l'urgence de la décentralisation et plusieurs moyens étaient proposés, tels que ceci. Couper Paris à une foule de grandes rues afin d'y établir des villages. Transférer à Versailles le siège du gouvernement. Mettre à Bourges les écoles, supprimer les bibliothèques, confier tout aux généraux de division. Et on exaltait les campagnes, l'homme illettré ayant naturellement plus de sens que les autres. Les haines foisonnaient. Haine contre les instituteurs primaires et contre les marchands de vin, contre les classes de philosophie, contre les cours d'histoire, contre les romans, les gilets rouges, les barbes longues, contre toute indépendance, toute manifestation individuelle. Car il fallait, entre guillemets, relever le principe d'autorité, qu'elle s'exerçât au nom de n'importe qui, qu'elle vînt de n'importe où, pourvu que ce fût la force, l'autorité. Les conservateurs parlaient maintenant comme Sénécal. Frédéric ne comprenait plus, et il retrouvait, chez son ancienne maîtresse, les mêmes propos, débités par les mêmes hommes. Les salons des filles, c'est de ce temps-là que date leur importance, étaient un terrain neutre où les réactionnaires de bords différents se rencontraient. Hussonnet, qui s'est livré au dénigrement des gloires contemporaines, bonne chose pour la restauration de l'ordre, inspira l'envie à Rosanette d'avoir, comme une autre, ses soirées. Il en ferait des comptes rendus, et il amena d'abord un homme sérieux, Fumichon. Puis parurent, Nonancourt, M. de Grémonville, le sieur de l'Arcillois, ex-préfet, et Sisy, qui était maintenant agronome, bas-breton, et plus que jamais chrétien. Il venait, en outre, d'anciens amants de la maréchale, tels que le baron de Comines, le comte de Jumillac et quelques autres. La liberté de leurs allures blessait Frédéric. Afin de se poser comme le maître, il augmenta le train de la maison. Alors, on prit un groom, on changea de logement et on eut un mobilier nouveau. Ses dépenses étaient utiles pour faire paraître son mariage moins disproportionné à sa fortune. Aussi diminuait-elle effroyablement. Et Rosanette ne comprenait rien à tout cela. Bourgeoise déclassée, elle adorait la vie de ménage, un petit intérieur paisible. Cependant, elle était contente d'avoir, entre guillemets, un jour. Disait, ces femmes-là, en parlant de ses pareils, voulaient être, entre guillemets, une dame du monde, s'en croyait une. Elle le pria de ne plus fumer dans le salon, essaya de lui faire faire maigre par bon genre. Elle mentait à son rôle, enfin, car elle devenait sérieuse et même, avant de se coucher, montrait toujours un peu de mélancolie, comme il y a des cyprès à la porte d'un cabaret.